On ne change pas, on évolue. On court tous après le même train, bourré d'histoires non résolues. À croire que meilleur sera demain. L'argent fait pas le bonheur, mais pour être honnête, sans lui, ce monde serait plein d'injustice. Si on te tape fort, s'il te plaît, relève-toi. Tu seras le vainqueur au moment propice, ouais. Cette vie n'a pas de sens, j'ai perdu trop de sang, mais je remonte la pente. Je fais le tri dans mes proches, vider mes poches, même si ça déplaît. Hors de question que je me venge, le temps le fera à ma place, sans rancune, sans regret. Je réfléchis avant d'agir à l'atomie. Et quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Réussir à l'avenir, je me suis promis. Je tomberai plus dans mes travers, ni me mettrai à genoux. Quant à la thune, les portes s'enfoncent facilement. Ce monde n'est pas pour les faibles, ouais c'est fascinant. Attaquer par le mensonge, c'est facile. S'en sortir ne veut pas dire être docile. L'homme un fossile, où seul l'amour peut le tailler. Ce monde est hostile, tu pèses qu'en Versace. Notre combat est le même, on se bat pour s'en sortir. Protéger notre relève, préparer leur avenir. Pour les comptes demande à Poli, à la Tommy. On ne change pas, on évolue. On court tous après le même train, bourré d'histoires non résolues. À croire que meilleur sera demain. L'argent fait pas le bonheur, mais pour être honnête, sans lui ce monde serait plein d'injustice. Si on te tape fort, s'te plaît, relève-toi. Tu seras le vainqueur au moment propice, ouais. On voit des vertes et des pas mûrs, affronte les remparts et les murs. Ouais, on a grandi dans la merde et loin des pays bleu azur. J'ai vogué via la plume et le courant m'écartera. Et qu'importe les mots, poteau, le silence parlera. J'annonce que le monde n'ira pas mieux et qu'au loin la merde se profile. Que sur l'insta de la terre, la merde est en photo de profil. On est dirigé par des putes ayant des passifs pédophiles. Lance des appels au secours, mais y'a que des sourds au bout du fil. À l'heure où les cœurs sont flingués et que les cerveaux ne fonctionnent plus, ouais. Nombreux sont les malheurs que cette pauvre vie cautionne plus, mais. On ne change pas, on évolue. On court tous après le même train, bourré d'histoires non résolues. Comme si plus beau serait demain. Alors on créera de nos mains les fondations de nos histoires. Et puis on taillera sur les routes avec nos rêves bien illusoires. On embarquera tous les vrais entassés sur un vieux rafio. Si la mer est brutale, on connaîtra les vrais matelots. On verra ceux partis de rien et ceux qui pariaient sur nos têtes. Ceux qui pariaient victoire et ceux qui pariaient sur nos pertes. Alors on foncera côte que côte avec l'impression déjà vue. Mais retiens bien ces mots, on ne change pas, on évolue. On ne change pas, on évolue. On court tous après le même train, bourré d'histoires non résolues. À croire que meilleur sera demain. L'argent fait pas le bonheur, mais pour être honnête, sans lui ce monde serait plein d'injustice. Si on te tape fort, s'te plaît, relève-toi. Tu seras le vainqueur au moment propice, ouais. On ne change pas, on évolue. On court tous après le même train, bourré d'histoires non résolues. À croire que meilleur sera demain. L'argent fait pas le bonheur, mais pour être honnête, sans lui ce monde serait plein d'injustice. Si on te tape fort, s'te plaît, relève-toi. Tu seras le vainqueur au moment propice, ouais.